que j'ai, c'est pas à moi. Comme plus de la moitié des gens, je gagne à peine plus de 5000 francs. Alors pour payer mon loyer, j'ai dû me mettre à cohabiter. Mais je suis positif, je suis positif, moi, j'ai pas le choix. Je me suis mis à partager sur tout le ménage que je fais jamais. Un peu de cuisine surgelée au micro-ondes qu'on m'a pété. Restons positifs.